Chapitre 5e. Un temps radieux, un ciel sans nuages, un sport passionnant, tout concourait à donner à cette journée du grand steeple un éclat extraordinaire. Aussi, une foule immense se pressait-elle sur l'hippodrome d'Auteuil. Vue de la terrasse des tribunes, la piste déroulait comme un tapis d'émeraude. Trois agglomérations, sortes de fourmilières grouillantes, marquaient les emplacements du Paris Mutuel. La pelouse, proprement dite, tout près, à l'autre bout de la grande rivière, le Tonkin, un peu plus à gauche, et là-bas, dans le tournant des lacs, Madagascar. Les parieurs ont ainsi nommé, dans leur langage pittoresque, l'espace qui leur est affecté, selon qu'il est plus ou moins éloigné du centre, du pivot de l'institution, le pesage. Sur cette plaine pelée, dont les arbres rares semblaient étouffés par l'étreinte des curieux entassés à leurs pieds, le public se pressait en cohue poussiéreuse, dont le murmure puissant montait jusqu'aux tribunes. De larges ondulations passaient dans cette foule qui roulait le long des baraques légères avec le fracas de la mer. On sentait qu'il régnait parmi ces êtres humains entassés sous un soleil de feu un énervement tel qu'une étincelle suffirait à déchaîner la tempête. Tout un peuple s'agitait avec des gestes fébriles, des éclats de voix, des exclamations admiratives ou des interjections de colère, selon que la chance avait ou non favorisé le plus grand nombre. Dans ce creuset en fusion, bouillonnaient les enthousiasmes irréfléchis, les fureurs aveugles, l'appât du gain, la passion du jeu, tous ces mouvements instinctifs et ténébreux de l'âme humaine, avec une forte proportion de bestialité native et de superstition atavique. Devant des guichets où des employés affairés distribuaient des tickets multicolores, parsemés de chiffres mystérieux, s'étouffaient des gens de tous les âges, de toutes les conditions, depuis le sportsman presque élégant jusqu'au camelot sordide, depuis le vieillard jusqu'au gamin imberbe, et des femmes surtout, faméliques, avec d'étonnantes toilettes, chapeaux défraîchis, plumes défrisées, corsages râpés et jupes graisseuses armées de parapluies, d'ombrelles en loques, et portant au bras l'inévitable cabas. Tout ce monde pointait des programmes, alignait des chiffres, compulsait des journaux. Certains se livraient à des calculs miraculeux, d'autres sondaient les erreurs typographiques des feuilles techniques dans l'espoir d'y découvrir un signe conventionnel. D'autres encore comparaient soigneusement les performances antérieures des concurrents et se perdaient dans le labyrinthe des considérations de poids, de distance et de monte. « Ah, ma chère !» disait une grosse dame, vêtue d'un extraordinaire corsage jaune et d'une jupe d'un vert pomme à faire crisser les dents. Figurez-vous que j'ai rêvé cette nuit que le 4 gagnait 3 fois. Je compte donc 4 et 3, 7, puis le nombre de courses, 6, c'est-à-dire 13. 13, un nombre qui porte bonheur. Voulez-vous jouer le 13 avec moi? Le 13, je n'ai pas confiance, c'est mal monté. Bosman, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je mettrai bien 25 sous placés. Mais croyez-vous que je vais risquer 3,75 francs, cherchons Madame Durand pour mettre 25 sous avec nous? Madame Durand, une petite vieille ratatinée, découverte à grand-peine dans la foule qui bâillait d'anxiété devant le tableau d'affichage, voulut bien aventurer ses 25 sous dans la combinaison lumineuse de la grosse dame. Elles se dirigèrent alors vers le plus prochain bureau et alignèrent laborieusement sur la tablette 5 francs en pièces de 50 centimes, au grand désespoir du receveur, forcé de vérifier la monnaie malgré les hurlements des joueurs qui faisaient queue. Puis le trio disparut, se ferra derrière une baraque, tandis que Madame Durand disait d'une voix mourante « Non, non, ma bonne amie, je ne veux pas les voir passer, ça me fait quelque chose. » Plus loin, un gamin hâve et inquiétant chercha à persuader un brave provincial ahuri. Il possédait, lui confiait-il, un tuyau épatant. Les vendeurs de pronostics, les marchands de coco, de tabac, de gâteaux poudre et rassis hurlaient à l'envi leurs marchandises. Pour 2 sous, on avait un boc et le gagnant de la deuxième. Pour 15 centimes, une madeleine antédiluvienne et la grosse côte de la journée. Dans aucun groupe, la conversation ne se tenait au diapason normal. Ou bien elle se haussait jusqu'à la dispute, ou bien elle s'alourdissait jusqu'à la confidence. Parmi tous ces êtres, aux yeux luisants, à la face contractée, il n'en était peut-être pas un seul qui jouit de son sang-froid absolu. Au moment où la cloche du pesage tintait dans le lointain, tout ce monde refluait vers les barrières. Au départ, une sorte de murmure courait d'un bout à l'autre de l'hippodrome. Puis un silence profond pesait sur cette multitude, tandis que le peloton multicolore accomplissait les 2/3 du parcours. Seules les chutes provoquaient une rumeur plus ou moins forte, selon qu'elles affectaient le favori ou un outsider. Enfin, au moment décisif, depuis l'entrée de la ligne droite jusqu'au poteau d'arrivée, une clameur progressive courait devant les chevaux, éclatée en un hurlement frénétique lorsque le vainqueur passait devant le juge. La nervosité était moins visible au pesage. Elle ne se traduisait que par le frémissement imperceptible des mains gantées qui froissaient les billets de banque. Et puis, un spectacle féerique occupait les yeux. Il y avait à profusion de la verdure, des fleurs et des femmes. On pouvait se demander à qui donner la palme de la beauté, aux roses éclatantes et veloutées, aux œillets capiteux, aux géraniums imposants ou bien à ces souples et élégantes mondaines drapées de soie légère, de linon, de dentelles précieuses, de broderies qui laissaient flotter dans le sillage de leurs longues traînes un parfum pénétrant et voluptueux. Le jeu n'était plus dans cet endroit aristocratique l'unique préoccupation de chacun. On y causait dans les coins d'ombre et de fraîcheur. Le mutuel se dissimulait derrière les massifs, relégué dans un angle de l'enceinte comme un accessoire. Plus loin, sur une piste de ronde, les purs sangs tournaient sans arrêt, indifférents et fiers. On voyait, dans l'enclosure des balances, des groupes affairés de messieurs très corrects, coiffés de chapeaux étincelants, qui causaient entre eux avec une vivacité de bon ton. Des rires et une rumeur joyeuse d'écoliers en récréation fusaient par la porte entrouverte du vestiaire des jockeys. Peu d'instants avant la première course, Barclay fit son apparition, portant sous son bras, avec toutes sortes de précautions, un harnachement neuf. Il le déposa au fond de la stalle occupée par Villard, qu'Alade surveillait incessamment. Le vieux Tom, la lorgnette en sautoir, une rose à la boutonnière, semblait guéret. Lui qui d'ordinaire exagérait le flegme traditionnel de ses compatriotes, allait, venait, riait bruyamment avec ses collègues, recevant à bout portant, sans sourciller, les félicitations anticipées sur son succès prochain. Un moment derrière les écuries, il se trouva seul avec Dixon et Harkins, celui-ci déjà revêtu de la casaque jaune de M. Belmont, le propriétaire de Bagatelle. Les trois hommes s'abordèrent vivement. « Eh bien ?» demanda Jackson. « C'est fait, » répondit sans broncher le père de Suzanne. Il y eut un silence. L'entraîneur de la jument respira, tandis que la face simiesque de Jim esquissa une grimace qu'on pouvait prendre à la rigueur pour un sourire. Tom reprit. « À combien, Bagatelle ?» Elle a ouvert à 7-1. Mais tout le monde tombe sur votre Villard. En ce moment, on trouve facilement ma bête à 10. En voulez-vous? Bien entendu. Pour quelle somme? Pour 5 000. Très bien. Des promeneurs se dirigeaient vers les box. Le trio, craignant les oreilles indiscrètes, se sépara. Barclay revint sans affectation reprendre sa place devant la stalle de Villard, et ses complices se perdirent dans la foule. Cependant, les chevaux de la première course rentraient entre deux haies de spectateurs. Tout à coup, l'entraîneur se trouva face à face avec le marquis de Vernières, accompagné de Jean Marolles. « Eh bien, Barclay, » demanda M. de Vernières, « tout est prêt ?»« Oui, monsieur le marquis, Villard va sortir. »« Tu as bien compris, Jean, » reprit le propriétaire. « Au départ, tu prends la tête et sous aucun prétexte, tu ne te laisses dépasser. Les autres vont se bousculer aux obstacles. Tiens-toi hors d'atteinte. Et puis, à partir du dernier tournant, file au poteau. Charge à fond sur la tribune du juge comme s'il s'agissait d'enlever une batterie d'artillerie. « Oui, monsieur, » répondit Marolles en souriant, « vous pouvez compter sur moi. »« Alors, mon ami, va t'habiller. » Jean s'éloigna. Le palefrenier venait d'ôter la couverture de Villard et Barclay s'empressait à boucler les sangles de la selle. Il ne voulait laisser à personne le soin d'ajuster le harnachement. À le voir serrer les courroies, vérifier les ardillons, faire jouer le mort, on eût dit qu'il ne négligeait aucune précaution. Enfin, il releva les étriers, accrocha la longe, la remit au palefrenier et appliquant sur la croupe du pur sang une claque sonore, il s'écria joyeusement « All right !» Jusqu'au moment du bout de selle, le splendide animal révolutionna les sportsmen. Il avait autour de lui, comme un monarque, un cercle de courtisans. Chacun détaillait ses perfections et vraiment, tous ces éloges n'avaient rien d'exagéré. La deuxième course eut lieu. Les opérations du mutuel se poursuivirent, sans que le nombre de ses admirateurs en fût diminué. Les indécis, les sceptiques, se trouvaient subitement convaincus par le simple examen de sa silhouette imposante. Ils n'étaient pas les derniers à se précipiter vers les guichets et appuyer sa chance à coups de billets bleus. c'était un emballement général, une sorte de fièvre maladive et contagieuse. Pour un peu, on eut fait au krach du marquis de Vernières, le vaillant suprême, avant qu'il eût affronté ses concurrents, tant sa supériorité apparaissait manifeste aux moins initiés. Cet engouement qui transportait les habitués du pesage avait naturellement sa répercussion sur la pelouse. Au baraque du mutuel, on ne prenait que Villard. Les vieux malins jouaient bien contre lui, dans le vague espoir d'un accident, mais sans grande conviction. Tout cet argent, qui représentait le superflu pour le millionnaire, le nécessaire pour le petit employé, l'indispensable pour l'ouvrier, s'éparpillait en tickets portant le numéro du favori. Jean n'ignorait pas cette confiance aveugle du public. Il savait qu'il y avait une part. Malgré ses titres, le cheval n'aurait pas rencontré cette faveur inouïe s'il avait été monté par un autre cavalier. Aussi Marolles, cependant blasé sur ses émotions, éprouvait-il une certaine appréhension. Il craignait de trahir la confiance de tous ces braves gens. Un moment d'inattention, une légère erreur d'appréciation, la fatalité aussi pouvait lui arracher la victoire. Et le jeune homme pensait avec horreur aux conséquences de sa défaite. Il fit part de ses scrupules à Barclay, qui sourit en le traitant d'enfant, à son protecteur qui lui renouvela sa confiance, à ses amis qui le raillèrent sans pitié. D'ailleurs, la cloche tintait. Il jeta son pardessus à un lad. Le garçon d'écurie lui amena Villard. Aussitôt un cercle se forma autour d'eux. Barclay descendit lui-même les étriers, fit semblant d'en éprouver la solidité et mit le jeune homme en selle en lui prenant le pied dans ses deux mains croisées. Dès que le cheval sentit le poids du cavalier, il dressa la tête et pointa ses oreilles. Son pas devint plus souple, plus élastique encore. On voyait rouler sous le poil satiné, au reflet de bronze, ses muscles puissants. L'homme et l'animal faisaient un tout harmonieux. On sentait entre eux une communion étroite, une entente intime, une égale énergie. Les admirateurs de Villard restèrent stupéfaits et plusieurs femmes, parmi les plus élégantes et les plus belles, se joignirent à leur cercle. Car si le cheval justifiait l'enthousiasme dont il était l'objet, Marolles, solidement campé sur sa selle, élégant et correct, ne méritait pas de passer inaperçu. La longue visière de la toque estompait légèrement les lignes pures de son visage mâle. On apercevait en pleine lumière que la courbe accusait de son menton. Il semblait rivé à sa monture, bien que son buste conservât toute sa souplesse. Quand il parut à l'entrée de la piste, un murmure flatteur l'accueillit. Le soleil, en jouant sur la soie verte et blanche de la casaque, le vêtit un moment d'émeraude et d'argent.